Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de bouger. Accepte cette danse. C'est Ladies Night, tu es à l'honneur. Allons, viens, danse. Je m'éveille sous ta sensualité. Donne-moi une chance. C'est plus que je ne peux endurer. Allons, viens, danse. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Le groove de la basse nous fait vibrer. Sur la séquence, tes courbes qui ne cessent de me frôler me mettent en transe. Sois ma captive, sois ma dulcinée. Qu'est-ce que t'en penses? Je me plierai à tes volontés. Donne-moi une chance. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Après la fête continue la romance. En tête à tête nous ferons des confidences. Yeah, la page suivante dit qu'on aura sommeil. Que tu seras près de moi au réveil. Regarde feu frôle les limites de ma patience. À ton emprise résister serait pure indécence. Tu savoures secrètement ton triomphe. Quelle importance. La ligne de la nuit est tout tracée. Fais-moi confiance. Ne rentre pas chez toi ce soir. Ma puce reste avec moi ce soir. Reste avec moi car il est tard. Ne rentre pas chez toi ce soir. Tu es